بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد j'aimerais me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères et sœurs que nous serons lundi, le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Et comme vous le savez, le neuvième jour de Dhul-Hijjah correspond au jour de Arafah. Et le jour de Arafah est un jour immense, un jour que le musulman ne doit pas négliger, un jour qui comprend des récompenses immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en raison de son mérite. Et durant ce jour, il est légiféré de jeûner. En effet, l'imam muslim rahimahullah ta'ala rapporte d'après Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne du jour de Arafah. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam que le jeûne de ce jour expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Tu vois donc que jeûner ce jour comprend un mérite immense. En jeûnant un seul jour, pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu te fais expier les péchés de 2 années. De l'année qui vient de passer et de l'année qui va suivre, incha'Allah ta'ala. Donc le musulman ne doit pas négliger le jeûne de ce jour, le jeûne du jour de Arafah. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, « Il n'y a pas un jour dans l'année que j'aime autant jeûner que le jour de Arafah. » Il n'y a pas un jour dans l'année que j'aime autant jeûner que le jour de Arafah en raison de son mérite. Et comme vous le savez, nous sommes dans ces jours, ces 10 jours de Dhul-Hijjah, durant lesquels les œuvres de bien sont les plus aimées d'Allah, les plus pures auprès d'Allah, les plus grandes en termes de récompense et les plus méritoires. Ceci doit donc nous encourager à ne pas négliger le jeûne de ce jour. Le jeûne du jour de Arafah qui est, comme on a dit, cette année lundi. Et le jour de Arafah, il se distingue également des autres jours de l'année par le mérite de l'invocation durant celui-ci. En effet, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui il a dit « La meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafah. » La meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafah. Il est donc important pour le croyant de multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour. D'autant plus que c'est un jour de jeûne. Et comme il est confirmé dans d'autres hadiths, l'invocation du jeûneur est exaucée. Donc la meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafah. Durant ce jour, il est légiféré de jeûner et l'invocation du jeûneur est exaucée. Tu vois donc que c'est un jour propice pour multiplier l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, a dit « Les invocations de Arafah sont pour la plupart exaucées, incha'Allah, sauf à ceux qui transgressent dans l'invocation par ceux qui ne satisfait pas Allah. » Les invocations de Arafah sont pour la plupart exaucées, sauf à ceux qui transgressent. Celui qui invoque des choses en transgressant les droits d'autrui, par exemple, qui invoque injustement contre des musulmans ou autre chose semblable. Tu dois donc invoquer sans transgression, mais tu invoques le bien. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà, pour ta propre personne, mais aussi pour ta famille, pour tes proches, et pour les musulmans de manière générale. Tu multiplies les invocations en ce jour, qui est le jour de Arafah. Et il est nécessaire pour le musulman de multiplier les efforts dans le bien durant ce jour, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant être affranchi du feu de l'enfer. En effet, il est rapporté que nombre de serviteurs se font affranchir du feu de l'enfer durant le jour de Arafah. Imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un jour durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala a affranchi le plus de serviteurs de l'enfer que le jour de Arafah. » Tu dois donc saisir cette occasion, profiter de ce jour dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala par des actes qui seront peut-être la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te sauve du feu de l'enfer. Al-Hafiz ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit « Allah affranchit du feu des gens parmi ceux qui stationnent à Arafah et ceux qui n'y stationnent pas parmi les musulmans des contrées. » C'est pour cela que le lendemain est un jour de fête pour tous les musulmans. Allahu Akbar. Étant donné que nombre de personnes se sont fait affranchir du feu de l'enfer le jour de Arafah, le lendemain est un jour de fête. La fête du sacrifice, qui est le 10e jour de Dhul-Hijjah, qui, comme on l'a mentionné dans d'autres cours, est le meilleur jour de l'année. Je vous encourage donc à ne pas négliger ce jour, ne pas négliger le jour de Arafah, à jeûner durant ce jour, à multiplier les invocations, à multiplier le rappel d'Allah et à multiplier les œuvres de bien en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les affranchis du feu. Wa sallallahu wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.